De leurs racines familiales. Maudit que t'es cute, toi. Toi, là, tu crois n'importe qui fait semblant d'être gentil. Présenté en primeur sur les ondes de CKRL les 5, 12 et 19 octobre durant l'émission Les Enfants du Paradis. Appelle-les donc sauvages d'un café. Au du lac, c'est un balado de fiction en 3 épisodes. C'est une histoire que nous voulons vous raconter. Une diffusion du théâtre Premier Acte en collaboration avec CKRL et Première Ovation. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. J'entienne la France avec vous ce soir, seule devant la console avec le regard rassurant de Simon Roy qui me coach un peu. Et Myriam est à la maison avec une cheville endolorie, donc impossible de se déplacer pour elle aujourd'hui. Et c'est la dernière émission en direct du studio avant, on espère, le fameux 28 octobre. Et ce soir, on va avoir une entrevue téléphonique avec Martin Bureau qui va nous parler de l'exposition Anthropocène dont il est commissaire et qui se déroule actuellement à la maison Amel Bruno. Et ensuite, on va avoir notre chroniqueuse Delphine Eggesbar qui est allée voir l'exposition de Serge Murphy intitulé « Devant soi », donc une exposition qui est présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, qui célèbre le 50e de l'École d'art et de la Galerie des arts visuels en invitant des gens qui ont parsemé le parcours et qui ont marqué le parcours de cette institution dans la ville de Québec, donc l'École d'art et la Galerie des arts visuels. Et en toute fin d'émission, je reviendrai avec une entrevue que j'ai faite cette semaine dans le sous-sol du lieu avec Francis Arguin. Donc, il y avait trop d'écho dans la galerie. On s'est déplacé au sous-sol. On entend même des bruits de plomberie. Je vous demanderai d'être attentif. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Donc, on va parler de la fin de sa résidence et son exposition qui en cours au lieu actuellement et qui se termine très, très bientôt le 4 octobre. Et on vous invite à aller la visiter, bien sûr. Et on va commencer l'émission avec une sélection audio. C'est Simon Roy qui nous fait une sélection musicale cette semaine avec le projet Spectral Dynamics. Donc, c'est un projet musical qui nous vient du Chili. On a une ambiance assez planante avec beaucoup de basses, mais pas des basses qui sont tannantes du tout, du tout. Il y a une certaine lenteur qui nous permet de nous poser un peu dans l'incertitude qui règne sur nos quotidiens. Alors, je vous laisse avec cette pause musicale. Thank you. Alors, au bout du fil, nous avons Martin Bureau. Bonsoir. Bonsoir. Tu es commissaire d'une exposition qui se déroule actuellement, mais qui vient de tomber dans le confinement, malheureusement, qui se nomme Anthropocène. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un commissariat d'exposition, Martin Bureau? En réalité, ça fait la troisième fois, mais c'était passé dans le temps, donc ça faisait un petit bout. Ça faisait un bout, et c'est une exposition qui réunit des œuvres d'Evelyne Boulva, les tiennes, celles d'Édouard Burtinsky, de Guillaume Dessir, Dominique Gaucher et Nadie Larchet. L'anthropocène, d'abord, je vais le définir là, en volant les mots sur le communiqué de presse. Ça se définit par l'impact des activités humaines sur les événements écosystémiques de la planète. Et c'est une préoccupation qui traverse ta pratique depuis un certain moment, notamment avec tes récentes aquarelles du projet Saint-Déluge de la Consolation. Pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin d'en faire un sujet pour un commissariat d'exposition, Martin Bureau? En réalité, l'invitation provient du service de la culture de la Ville de Québec avec Isabelle Gagnon qui m'a contacté. Ça fait presque 2 ans alors que je travaillais déjà sur la thématique d'Anthropocène afin de commissarier cette exposition-là qu'on pouvait voir jusqu'à il y a aujourd'hui 5 heures, mais qui est, on l'espère, reprendra avant la fin prévue du 13 décembre. C'était une offre, une belle offre qui m'a été faite et puis à laquelle j'ai répondu. Et quand on parle de commissariat d'exposition, on parle de choisir des œuvres, de les rassembler. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé ce processus-là pour toi, Martin Bureau? C'est effectivement le travail du commissariat, du commissaire, c'est-à-dire d'abord de conceptualiser une exposition à travers une thématique qui était nommée comme étant l'Anthropocène dès le départ. Et puis, suite à ça, de prendre position peut-être théoriquement face au sujet et puis d'aller chercher des artistes qui allaient appuyer par leur démarche, par leurs travaux, cette position théorique-là par rapport à l'Anthropocène. Pour ma part, ce que je voulais faire, c'était créer une tension entre la séduction apportée par l'image et puis l'effroi occasionné par le sujet de ces images-là. Donc, l'Anthropocène n'étant pas un sujet joyeux, étant un sujet qui est préoccupant par rapport aux enjeux environnementaux. Donc, pour moi, cette tension-là entre la gravité du sujet et l'esthétisme des œuvres était ce que je trouvais intéressant de mettre à l'avant-plan. Et c'est un concept que tu empruntes à l'esthétique du sublime. C'est exactement ça. Le rapport de l'homme à la nature dans l'esthétique du sublime, c'est de se voir submergé par celle-ci et puis de vivre l'émotion du sublime qui est une émotion de se sentir plus petit que la nature qui est plus grande que nous. Or, l'idée de l'Anthropocène, c'est qu'il y a un renversement. C'est que les activités humaines opèrent une domination, un assujettissement de la nature à l'homme. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que l'esthétique du sublime, c'est une idée vieille du 18e siècle. Et puis, donc, je trouvais qu'aujourd'hui, on disait quelque chose d'intéressant par rapport à ce concept initial-là. Oui, c'est un concept qui est très réactualisable, mettons, avec ce qu'on vit en ce moment. Et une chose que j'ai remarquée dans l'exposition, c'est qu'il y a une diversité de médiums. Il y a de la photographie, il y a du dessin, il y a de la peinture, il y a de l'installation. Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour toi, pour ce projet de commissariat, ou ça a juste à donner comme ça? Non, c'était effectivement très important parce que je voulais justement proposer une exposition qui allait être différente dans ses médiums, dans ses supports, et puis toucher une variété comme ça, comme qui va du dessin à l'installation, à la peinture, à la photographie, à l'installation, donc photographique et même électronique. Les technologiques, si on peut le dire, pour moi, c'était vraiment une palette qui était intéressante à explorer parce que je pense que ce sujet-là, le sujet de l'Anthropocène, à travers cette exposition-là, dont le titre est plutôt « La contemplation de la menace », m'intéressait beaucoup. Et on parle de cette diversité de pratiques. Tu as parlé d'électronique et c'est ben en fait, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'on on retrouve beaucoup des œuvres qui sont représentatives, qui vont représenter ben chacune à leur manière évidemment des environnements, à l'exception de l'œuvre de Nadine Larchet qui est beaucoup plus dans les objets concret, réel, avec lesquels on a un contact au sein de l'installation. Pourquoi? Ben, Nadie, il faut dire que Nadie, son projet est plus complexe, je dirais, dans sa compréhension, dans la mesure où est-ce qu'on est ici dans l'exposition, on était ici dans l'exposition, devant la phase 2 d'un projet complexe qui incluait une première phase. Donc, pourquoi Nadie s'inscrit dans le sujet de l'Anthropocène? C'est que son projet initialement était de détourner des capteurs de gaz atmosphériques qu'elle allait relier chacun à un instrument de musique, les fameux instruments de musique que vous voyez dans l'exposition. Et puis, plus ces capteurs-là étaient disséminés dans la ville à travers des promenades, et puis plus les gaz atmosphériques augmentaient, plus l'instrument de musique se mettait à dérailler, à jouer de manière syncopée dans un événement performatif qui a eu lieu au printemps dernier. Et puis, elle a dit, plus les gaz augmentaient, plus l'instrument s'emballait, plus elle participait, elle, de manière performative, à détruire les mécanismes ou à réparer les mécanismes, à détruire les instruments, pardon, et à réparer les mécanismes qui s'autodétruisaient eux-mêmes. Il y avait comme un dialogue entre l'homme et la machine, en l'occurrence la femme et la machine. Et puis, donc, ce qu'on voit dans l'exposition, c'est les restants, les témoins de cette première phase-là, cette phase, la phase 1 de la performance, et puis les instruments agissent, vivent de manière syncopée comme les derniers soubresauts de vie. Donc, c'est comme un opus funeste de l'Anthropocène. C'est comme une symphonie funeste de l'Anthropocène. Et il y a quelque chose aussi qui vient un peu incarner aussi dans le dispositif qui est mis en place des processus, des procédés de destruction. Oui, parce que littéralement, les instruments sont détruits. Et ils sont encore mécanisés par des dispositifs que Nadie confectionnés. Mais ces dispositifs-là sont très fragiles, voués, parlant métaphoriquement même de la disparition. Et puis c'est une œuvre qui, je dirais, qui est la plus poétique de l'exposition dans la mesure où elle emprunte à différents procédés, elle emprunte et elle se réfère à l'Anthropocène de manière intrinsèque, mais dans le résultat, on peut ne pas d'emblée saisir le lien. Mais je pense que à travers ce que je vous expliquais là, puis qu'on peut prendre connaissance aussi dans l'exposition, parce qu'il y a des fiches qui expliquent l'idée, je pense qu'on voit le lien à l'Anthropocène. Puis je trouvais ça intéressant d'amener la dimension performative et installative dans l'exposition. Et il y a un autre artiste que j'ai découvert, en fait, au sein de cette exposition-là, c'est Dominique Gaucher. Est-ce que tu peux nous parler de comment t'as découvert le travail de cet artiste-là qui est quand même assez méconnu, si je ne me trompe pas, là? Ben, Dominique, peut-être un peu ici à Québec. Dominique, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps qui est à Montréal, qui œuvre dans le domaine de la peinture scénique et des œuvres monumentales réalisées pour différents. Il y a un grand studio, Dominique, qui fait des grands projets. Et puis, il y a une pratique personnelle de peintre qui a été montrée trop peu. Et puis, cette série-là, elle est magnifique. Idriss et Némésis, c'est une série de tableaux monumentaux qui représentent des événements terrestres. En l'occurrence, ici, un paysage marin et puis un paysage nordique. D'un point de vue aérien, mais dans un jeu de micro et de macro assez intéressant, fascinant. L'immensité et le petit, c'est comme on cherche beaucoup dans la matière vraiment des sujets qui sont cachés. Et puis c'est un peintre que je considère virtuose, qui est capable de tout, qui a une grande réflexion sur notre rapport à l'environnement aussi. Et puis je trouvais que c'était un privilège de l'avoir effectivement à Québec ici, parce qu'il n'est pas très connu. Mais dans le cercle de l'art, c'est quelqu'un qui est connu, dont on connaît la production. C'est juste qu'il se manifeste moins souvent que certains. Et ses œuvres côtoient très, très bien les œuvres d'Edouard Burtinsky, dont la réputation n'est pas à faire. Merci beaucoup, Martin Bureau. C'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Et on se souhaite que la maison Amel Bruno réouvre ses portes le 28 octobre prochain pour pouvoir aller découvrir cette œuvre, cette exposition magnifique. On se souhaite. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à toi. Bye-bye. Alors, nous avons au bout du fil Delphine et Gaspard. Bonsoir. Bonsoir. Tu es allée voir l'exposition de Serge Murphy qui a cours actuellement à la Galerie des arts visuels. Oui, exact. C'est une exposition qui débutait le 17 septembre dernier et qui ouvre la programmation 2020-2021 de la Galerie des arts visuels autour du 50e de l'École d'art de l'Université Laval. Donc, 5 artistes qui ont fait leurs études à l'école au fil de son histoire, 5 artistes, 5 décennies, 5 expositions tout au long de la prochaine programmation. Et comment tu as trouvé ça, l'exposition de Serge Murphy? Ben, écoute, super intéressant. Serge Murphy a été approché par la directrice de la galerie, Lisanne Nadeau, comme un représentant un peu de la décennie des années 70, avec un intérêt tout particulier pour son apport au développement de la pratique sculpturale, vraiment de la décennie des années 70, mais avec une pratique qui est toujours très actuelle puis qui est restée actuelle aussi depuis qu'il a terminé ses études en 1975, finalement. D'ailleurs, on retrouve des œuvres qui datent de ses premières œuvres, pour ne pas répéter les mêmes mots dans la même phrase, avec des très, très belles photographies de sa collègue de classe, Raymonde April. Oui, tout à fait. C'est un clin d'œil, en quelque sorte, là, avec une œuvre de 1974, donc réalisée même au courant de ses études. C'est une série de 6 photographies posées au sol où Raymonde April, en fait, devient presque une sculpture. Finalement, elle porte des objets, des accessoires. Et finalement, c'est un travail un peu collaboratif réalisé dans un contexte où on demandait aux étudiants de travailler ou d'explorer des médiums de création, peut-être vers lesquels ils sont moins portés à aller. Donc, dans le cas d'un d'un sculpteur, dessinateur, installateur comme Serge Murphy, la photographie, la performance aussi sont pas nécessairement ses médiums de prédilection. Donc finalement, c'est un peu un exercice collaboratif là, qui a donné lieu à ces photographies-là, qui ont perduré dans le temps, qui ont ressurgi à quelques moments dans certaines expositions et qui ici se retrouvent dans cette exposition qui regroupe quand même des œuvres aussi. Bon, il y a ce clin d'œil-là de 74, mais la plupart des œuvres ont été réalisées en 2014 et 2020. Là. Donc, c'est des œuvres récentes et on reconnaît le style, même si j'aime pas trop parler de ce mot-là, de Serge Murphy quand même très, très bien. Là. Oui, absolument. C'est assez intéressant. Le titre de l'exposition, c'est « Devant soi », puis ça donne un sens particulier à cette exposition-là qui est pas rétrospective de sa carrière, mais qui donne néanmoins un très bon coup d'œil sur la diversité d'approches qu'a exploré Serge Murphy au cours de sa carrière. On retrouve des œuvres au mur en relief, on retrouve un ensemble de sculptures sur socle, des dessins et ces photographies dont on vient de parler. C'est un travail qui se caractérise vraiment par une exploration de matières qu'on pourrait qualifier de pauvres. C'est des œuvres ici qui prennent un caractère assez éphémère parce que les matières sont très fragiles. Et c'est des assemblages sommaires où on sent beaucoup le travail de la main. Hein. C'est des assemblages qui évoquent en quelque sorte l'univers du bricolage. C'est Lisa Nadeau qui référait un peu à cette expression-là en présentant son travail, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très proche de la main, de très d'assemblage assez simple, mais en fait que je trouve qu'ils sont surtout dans une proximité du geste, finalement, du geste de l'artiste, très peu d'outils. On est vraiment dans cette proximité-là du travail manuel. C'est intéressant parce que l'œuvre inaugurale, je dirais celle avec laquelle on fait face en arrivant dans l'exposition, oui, et celle qui est utilisée pour les communications, c'est une œuvre où on sent l'empreinte justement des mains de l'artiste directement dans la matière. Oui, tout à fait. Puis elle est assez représentative, je trouve, de plusieurs des pièces qu'on retrouve dans l'exposition, où vraiment on est dans ce type d'assemblage-là de matière assez fragile, de matière qu'on n'est pas en train de déguiser non plus. Donc on a du styromousse, du papier, on a de l'argile et quelques rares objets. On en retrouve entre autres dans certaines sculptures là, des objets, mais sinon, il faut dire que quand même, Serge Murphy, on le connaît pour avoir parfois employé des objets détournés ou altérés, mais ici, dans cette exposition-là, on est vraiment dans le langage de l'abstraction. Il y a quelques rares exceptions où on retrouve des objets usinés ou des évocations de formes du réel, mais sinon, on est vraiment dans ce langage-là de la matière, de la couleur, de la ligne aussi. T'entendant parler de la matière, de la couleur, de la ligne, je pense à cet ensemble de d'estampes où les couleurs sont très, très vives. Oui, tout à fait. C'est des dessins, peut-être? Donc, on a cette série-là de dessins qui fonctionne beaucoup par accumulation de lignes colorées, peintes à l'encre qui viennent s'entremêler un peu avec des traits fins dessinés au crayon. C'est vraiment un processus qu'on retrouve souvent, je trouve, dans les dessins de Serge Murphy, cette accumulation de formes, de lignes, où ils viennent un peu s'agglomérer, créer des ensembles qui sont cohérents, là, ou des espèces d'écosystèmes de lignes, de formes, souvent avec des lignes souples. Et ça répond très bien à la fois à la linéarité qu'on retrouve dans d'autres pièces de l'exposition, mais à ces touches de couleurs aussi qui sont omniprésentes. C'est une utilisation de la couleur qui est en retenue, je trouve, mais ça vient créer un fil conducteur à travers l'ensemble des pièces de l'exposition, que ce soit des lignes peintes, celles qui se retrouvent dans les dessins, ou ce qui se retrouve, par exemple, il y a quelques bobines de ficelles colorées à certains endroits, fait que ça vient vraiment créer cette espèce de cohésion, d'ensemble entre chacune des pièces, même si on est devant une diversité d'approches, donc à la fois du

et je vais vous passer l'enregistrement de cette entrevue qui était très, très intéressante. On a parlé de sa pratique le plus récente, évidemment, parce que il termine actuellement une maîtrise au cours de laquelle il a consolidé un petit peu sa démarche et on avait beaucoup à dire. Alors, on se trouve actuellement dans le sous-sol du lieu, et oui. Sous l'exposition de Francis Argouin. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, cette exposition-là, c'est le résultat d'une résidence que tu as effectuée ici au lieu, remplir les conditions. Puis, ça m'intrigue un peu, j'avais le goût de te demander... En quoi ça consiste une résidence au lieu? Parce que bon, c'est un lieu qui est destiné plus à la performance. Est-ce qu'il y a des espaces de production? C'est quoi le soutien que tu as au cours d'une résidence au lieu? En fait, je dirais que c'est une résidence qui est un petit peu déguisée dans la mesure où on a transformé ça en deux semaines. Ben, c'était deux semaines de résidence, là, même si bon, c'est indiqué que c'est un mois, là, mais. C'est deux semaines de résidence où, finalement, c'est parce que l'expo était supposée avoir lieu en octobre. Mm-hmm. Puis, moi, étant étudiant à la maîtrise, on a perdu aussi deux mois d'atelier au printemps dernier. Donc, c'était une manière aussi de m'aider à avoir plus de temps pour réaliser le projet. Mm-hmm. Donc, c'est pas une résidence dans le sens où tout ce qui est dans l'expo n'a pas été réalisé... À l'intérieur de la résidence comme telle, j'ai travaillé beaucoup avant. Ben, je m'en doute parce que on reconnaît des éléments qu'on a vus à l'œil de poisson l'année dernière, si je me souviens bien. Ouais. Et puis, il y a des éléments qui ont été produits au roulement bille tout au long de ta maîtrise. Certains éléments ont été récupérés de projets antérieurs. La plupart des objets ont été réalisés, disons, durant le dernier mois. Mais pas tant au lieu. Là, ici, on a accès à des petits bruits des viscères du lieu. C'est merveilleux. Et puis, les objets ont été réalisés principalement dans le dernier mois aux ateliers du roulement à baie. Parce qu'ici, au lieu, il n'y a pas... pas un espace de production en sculpture. Ils sont pas tellement équipés à ce niveau-là. Fait que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre l'atelier et ici le lieu. Donc, mais ces deux semaines-là a quand même été nécessaire dans la mesure où ça m'a donné plus de temps pour réaliser le projet. Mais il y a aussi une espèce de travail de mise en espace et d'intégration des objets à même le contexte architectural du lieu. Oui. On a évidemment ce dialogue-là avec les différentes portes de l'espace d'exposition qui est annoncé dans le communiqué de presse. Et toi, tu as choisi de faire une longue diagonale à partir d'une de ces portes-là. Et d'où t'es venue cette idée de la ligne dans l'espace? En fait, c'est assez étrange. Ben, ça remonte. Je pense que cette idée-là remonte un petit peu à la résidence à l'œil de poisson où j'avais fait une fenêtre. J'avais reconstruit une fenêtre avec des stores brisés, tout en bois. Et puis donc, cet objet-là m'était apparu comme une chose extrêmement frontale. Évidemment, c'est une fenêtre. Donc, j'avais pas pensé à ça avant de la réaliser. Puis j'ai fait, OK, je suis aux prises avec un objet... une sculpture, mais en même temps qui est très, très, très frontale. Donc, je pense que j'ai voulu comme travailler davantage cette idée de la planéité. Et puis, avec les portes ici, que j'ai repéré comme des éléments dans l'espace de la galerie même, parce qu'il y a plusieurs portes. Puis j'avais envie de travailler avec un élément spécifique à l'espace. Et puis, ça a été la porte. Sauf que c'était pas nécessairement une idée extraordinaire dans la mesure où tu fais comme moi. C'est une idée simple. C'est une idée vraiment simple, effectivement. Mais qui l'aurait eu? Qui l'aurait eu? Et puis, donc, je me suis trouvé à faire une série d'objets sans nécessairement me limiter à ça, mais qui étaient des plans, finalement. Des objets très peu, avec très peu de déploiement tridimensionnel. Donc, des portes, des grilles, donc j'avais cette idée de la diagonale, de l'idée de de séparer l'espace en deux, mais c'était pas bon, ça s'est construit peu à peu évidemment. Mais la porte étant ouverte, une porte étant ouverte entre-ouverte disons à la moitié, ben crée déjà une ligne, envoie comme une espèce de ligne imaginaire dans l'espace. Et puis je me suis servi de cette ligne là pour placer les objets d'une manière assez linéaire. J'avais envie justement de mettre de l'avant cet aspect frontal aussi. On arrive dans la salle par la porte principale de la salle et puis on est comme face aux côtés des objets, mm-hmm. De la plupart des objets, pas de tous les objets, mais de la plupart des objets. Donc d'arriver et d'avoir le premier point de vue comme un point de vue sur la minceur des choses, je trouvais ça intéressant. Puis après ouais. ça, on peut choisir un côté. Puis là, la pièce nous apparaît comme quelque chose qui est, oui, de la sculpture, mais avec un aspect frontal quand même assez affirmé. Et ces objets-là, c'est un ensemble d'objets qui sont liés à la construction des bâtiments. Mmh. On parle de portes, mais on parle aussi de différentes grilles. Et ce sont tous des simulacres. Mmh. Auparavant, dans ta pratique, Francis Arguin, tu travaillais beaucoup à partir des objets trouvés. Et là, on dirait que tu tends de plus en plus à imiter ces objets trouvés. Mmh. Est-ce que je me trompe? On peut dire imiter, oui, on pourrait dire ça. En fait, je pense que l'aspect fabriquer des choses m'intéresse beaucoup, comment les choses sont faites en général. Et puis, pour moi, c'est important pour moi actuellement de travailler avec des choses qu'on peut reconnaître. Même j'ai l'impression que mon travail a un côté très... c'est-à-dire la manière dont j'utilise ces objets-là, j'essaie en fait d'en arriver à un point où on oublie qu'on est en présence d'une porte et d'une grille. Et je pense que le fait de refaire les choses d'une autre manière, avec par exemple de refaire une grille qui est originellement, qui est au départ en métal et de la refaire en bois, ben là on n'est plus en face d'une grille, en fait on est en face d'autre chose. Et puis c'est ce que je veux mettre de l'avant, donc l'aspect fabriquer des choses. Donc oui, c'est ça. Les simulacres, oui, bon, mais c'est toute la dimension factice, donc fabriquer des choses qui m'intéressent. Ce serait trop probablement décevant pour moi et peut-être pour les gens aussi de prendre des objets tels quels et de les utiliser de la manière dont je les ai installés dans l'espace. Puis mais je pense que comme une lecture en deux temps qui se fait aussi, on pense reconnaître les objets, finalement on s'approche puis on les reconnaît comme des choses qui ont été fabriquées, on imagine le travail qu'il y a derrière aussi. Donc je pense que cet aspect-là de s'imaginer la reconstruction des choses fait partie de l'œuvre aussi. Et donc dans l'optique de s'imaginer un peu la construction des choses, pour reprendre tes mots, c'est un travail qui est bien fait, mais tu laisses intentionnellement des espèces de traces d'une certaine d'inachevée ou d'une espèce de maladresse technique. Peut-être qu'il y a seulement qu'une couche de peinture, on voit les coups de pinceau, on voit les clous qui ont été enfoncés. Est-ce que c'est une manière pour toi justement qu'on puisse reconnaître le simulacre plus rapidement? C'est des traces qui sont laissées un peu dans cette intention-là. C'est vrai que, mais en même temps, j'ai l'impression que même s'il y a ces traces-là, c'est pas si évident que ça. Je me rends compte que beaucoup de gens voient ça comme... je dirais pas qu'on a de la difficulté, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est qu'on s'arrête rapidement. Dès qu'on reconnaît un objet, on fait comme, tu sais, voici une grille de chantier, une clôture de chantier rouillée, puis on passe à autre chose. On arrête de l'observer. Comme si le jeu était de décoder les objets, ce qui est pas ce que je cherche à faire, mais je comprends que ça se produit en même temps. Même si pour moi, je suis toujours fasciné parce que pour moi, c'est tellement évident que c'est refait. Même parce que justement, ma lecture du monde est toujours souvent une lecture de comment les choses sont faites. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est fascinant de voir ça. Francis Arguin, pour ton installation, oui, c'est une installation qui est sculpturale, c'est un ensemble d'objets tridimensionnels dans l'espace, mais on parlait aussi de cette espèce de bidimensionnalité dans cette ligne, dans ce mm-hmm. plan qui est formé dans l'installation. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que il y a quelque chose de presque pictural, parce qu'il y a un agencement des couleurs, un choix des couleurs des objets qui est très... qui est quelque chose d'harmonieux, c'est composé, là. Oui, effectivement. Et en fait, je dirais oui. ça donne l'impression que ça a été un peu pensé comme une œuvre picturale, puis à la fin, ça a été un petit peu le fait de m'imaginer cette pièce comme une œuvre picturale m'a aidé à trouver des solutions pour aboutir la pièce. Mais je dirais que les couleurs, en fait, moi je suis daltonien, donc il y a comme un rapport à la couleur qui est particulier, qui joue beaucoup au niveau des valeurs de gris, je pense. Mm-hmm. Puis il y avait aussi une espèce de il y a comme une drabitude, je sais pas si c'est un mot, le fait d'être drabe. C'est un néologisme, en fait, que j'utilise ici. On est artiste, on a le droit. Exactement. Non, mais c'est vrai que, parce que bon, j'ai une tendance, disons, à utiliser des couleurs assez vives et tout ça, puis là, j'avais comme envie un peu d'essayer d'aller voir du côté de beige, de couleurs un peu moins vives. Et puis, à un certain moment, ben, je pense que il y a comme, le jaune est venu à la rescousse. Donc, j'ai récupéré un élément qui a fait partie d'autres projets. Mm-hmm. Puis c'est venu comme donner un espèce de souffle au projet aussi, de récupérer des objets qui ont figuré dans d'autres projets. Donc, mais c'est ça, ce rapport à la couleur est pas comme... il demeure très détaché. Puis, il n'est pas fondamental. Non. Il n'est pas si fondamental que ça parce que, en fait, c'est très arbitraire aussi. Je vais prendre les couleurs des objets, souvent les couleurs des objets originaux donc, que je copie. Puis d'autres fois, c'est comme ce que j'ai comme peinture, puis ce que j'ai comme OK, ça, puis ça, ça va faire une espèce de clash un peu bizarre. Mais c'est un commentaire qui revient, c'est comme s'il avait comme une espèce de sens de la couleur alors que je suis daltonien, donc c'est curieux, un sens différent peut-être. Ben merci beaucoup Francis Arguin pour cet entretien et l'exposition Remplir les conditions se poursuit jusqu'au 4 octobre, donc on se dépêche pour aller voir ça. Oui, on se dépêche pour aller voir ça avant que tout ferme. Ouais, exactement. Avant que tout ferme. Alors, c'était notre entretien, Francis Arguin et moi, au lieu. Le lieu va poursuivre l'ouverture de sa galerie jusqu'au 4 octobre. Donc, vous pouvez aller visiter l'exposition de Francis. Ce qu'on a en ce moment comme nouvelle là, du milieu artistique des arts visuels de la Ville de Québec, on sait que les galeries privées en arts visuels ont annoncé qu'elles restaient ouvertes puisqu'elles tombent dans le secteur commercial. Donc, la Galerie 3 va laisser ses portes ouvertes. Michel Guimond également. Le lieu poursuit cette exposition-ci, mais reporte la prochaine. Et pour ce qui est des autres centres d'artistes, on n'a pas encore de nouvelles. On n'a pas encore de nouvelles du côté de la Galerie des arts visuels non plus. Faut dire que, bon, les consignes ne précise pas nécessairement tous les champs d'activité. Donc, il y a différentes décisions qui sont peut-être plus difficiles à prendre. Mais pour l'instant, on va se laisser avec une pause musicale et encore une pièce de Spectral Dynamics, un groupe du Chili. Alors, c'était la pièce de Ghost Frequency de Spectral Dynamics, toujours. Et vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale, Jean-Tienne La France avec vous. Et c'est l'agenda de la semaine. Une petite semaine bien mince et des semaines bien minces qui s'annoncent également pour le milieu culturel dans les prochaines dans le prochain mois. Donc mercredi prochain, le 7 octobre, il va y avoir un événement pour l'inauguration en ligne de la murale pour la coopérative d'habitation La Fameuse. Donc c'est à partir de 17h et c'est organisé par la Chambre Blanche. Ensuite cette semaine, c'est la dernière semaine également pour aller voir la très belle exposition virtuelle Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle d'Anouk Verviers. Donc, c'est sur le site web de nos cousines podcasteuses d'À l'Est de vos empires. Et c'est également la dernière semaine pour aller voir Remplir les conditions, dont on vient de parler avec l'artiste Francis Arguin. C'est au lieu jusqu'au 4 octobre. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Et comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale. ckrl.wordpress.com et c'est aussi le meilleur moyen de voir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec puisqu'on a un agenda des expositions si vous déroulez la page jusqu'en bas et vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. J'aimerais remercier Martin Bureau, Francis Arguin pour leurs entrevues. Merci à notre chroniqueuse de la semaine, Delphine Eggesbar. Merci à Myriam à la maison qui m'a beaucoup aidée dans la préparation cette semaine, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et un grand merci également à Simon Roy qui m'a aidé à ne rien oublier dans tous les boutons auxquels il faut penser en même temps pendant que je vous parle. Donc on se laisse sur une dernière piste de Spectral Dynamics et on se dit à la semaine prochaine pour une édition enregistrée de l'aérospatiale. C'est drôle des fois, seulement des fois. Quand t'aimes pas ton travail, quand t'es à court de gosses, quand l'épouvantail te pointe du doigt, il rit de toi. Tricycle, quatre saisons dans mes pantalons. Quand tu tonds la pelouse, quand tu files le blues, quand faut péter l'entrée, je pars de toi, je pars dans tes bras. En balado-diffusion. CKRL 89.1. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Salut, ici Héra Ménard. Écoutez ma nouvelle chanson « En attendant l'aube » en diffusion sur CKRL. On avancera dans le noir en attendant que ne revienne l'aube. On rira de nos désespoirs.